L'Association générale des Coréens en Chine a publié le 23 courant une déclaration en signe de soutien à l'appel adopté à la conférence conjointe du gouvernement, des organisations politiques et sociales de la République populaire démocratique de Corée. La déclaration indique que l'Association générale des Coréens en Chine et tous les autres Coréens en Chine considèrent comme patriotique l'appel qui reflète le vœu de la nation d'améliorer les rapports Nord-Sud et d'ouvrir une brèche décisive à l'œuvre pour réunifier la patrie et le soutiennent entièrement. Par ailleurs, le porte-parole de la filiale centrale et méridionale de l'Association générale des Coréens en Chine a publié le 22 une communication sous thème « Nous nous mettrons à la tête de la lutte pour réaliser la ligne et l'orientation de la réunification indépendante ».